Orson Welles dans la ruelle d'or. Une émission de Jean-Paul Mougin. En 1982, la Cinémathèque française, située à l'époque dans les sous-sols du Palais de Chaillot, au Trocadéro, rendit hommage en sa présence à Orson Welles. À cette occasion, on put voir notamment Falstaff, demeuré pratiquement invisible depuis sa réalisation. Jeune cinéphile, j'étais ce soir-là dans la salle et lorsque je vis, porté par quelques amis, Orson Welles gravir les marches qui le séparaient d'une petite foule amicale et passer à côté de moi, je le fixais dans les yeux, par bravade et par jeu, persuadé qu'il détournerait le regard avant moi, le petit Jean-Paul Mougin. Qui des deux craqua ? Ce fut moi, bien sûr. Un peu plus tard, ayant réussi à me glisser dans une conversation très privée qu'eut Orson Welles avec quelques étudiants en cinéma, je l'entendis faire allusion à un séjour à Prague à la fin des années 50. Les quelques aficionados du maître, étudiants et cinéphiles qui se trouvaient là, ne retinrent de cette soirée, pour la plupart, que les effets de manche d'Orson Welles, qui ironisa sur ses tentatives d'entrer en politique, son image de gauchiste dans le cinéma américain et son rapport au son, pour lui presque plus important que l'image dans un film. Depuis, les plus folles rumeurs ont couru sur ce voyage à Prague en 1960. La plus extravagante était que Welles, par l'intermédiaire de certains de ses amis artistes, aurait rencontré des membres du Progressive Labour Movement, une section dissidente du Parti communiste américain, qu'il aurait chargé de prendre contact avec des artistes tchèques. Je n'y ai pas cru une seconde, mais quand, un peu plus d'une trentaine d'années plus tard, je cherchais un sujet à proposer autour du cinéma, à France Culture, je repensais à cette soirée de 1982 et décidais d'aller à Prague tenter de trouver une trace de la présence d'Orson Welles en 1960 dans la ville magique. J'ai voulu chercher de l'aide à l'Institut culturel français. En voyant le panneau des petites annonces, l'idée m'est venue, à tout hasard, presque par jeu, d'y épingler mon avis de recherche. Yann Devous, nous sommes dans le bar de l'hôtel Métropole. Design. Avenue Narodny, luxueux hôtel, très moderne. Construit à l'emplacement de l'ancien hôtel Métropole, où vous avez rencontré pour la première fois Orson Welles, en avril 1960. Vous étiez un tout jeune interprète attaché à l'Alliance américano-tchèque. Oui. Mais vous m'avez dit qu'elle ne figurait pas dans les archives, cette alliance. Au fond, ça n'était pas une vraie alliance ? En réalité, c'était une extension officieuse du Bureau de la Culture. Comme je parlais l'anglais, j'adorais l'anglais. Nous, jeunes Pragois, cherchions à apprendre des langues étrangères. C'était un moyen de voyager, vous comprenez ? C'était assez rare, non ? Quelqu'un qui parlait bien l'anglais à l'époque. On apprenait plutôt l'allemand ou le russe. Il y avait de temps en temps des enregistrements d'émissions radio qui circulaient. J'avais pu récupérer des bandes de la BBC et j'écoutais en boucle les Harry Lime. Orson Welles y jouait les aventuriers de son célèbre personnage du troisième homme. C'est avec la voix de Welles que vous avez appris l'anglais. Il n'y a pas de hasard à Prague. Il n'y a que des signes. Signes que vous deviez rencontrer Welles ? Comme vous deviez tomber 55 ans plus tard sur ma petite annonce ? Oui, oui, ces coïncidences se produisent à Prague. En 60, j'avais été chargé de guider les quelques rares personnalités américaines qui venaient y échouer. Et quand j'ai vu M. Welles la première fois, dans ce salon de l'hôtel Métropole, il ressemblait à une sorte de vieille baleine triste et fatiguée. À ce moment-là, il n'avait même pas encore 50 ans, mais il en paraissait bien davantage. Il venait d'enchaîner une série d'échecs dans ses projets de films. C'était juste après ses déboires avec son Don Quichotte. Oui, il était dans une période très difficile. Et il était un peu perdu chez nous, il ne parlait pas notre langue. Il avait besoin de moi tout le temps, ça l'irritait beaucoup. Est-ce que ces films étaient connus à Prague, à l'époque ? Dans certains milieux, on connaissait son nom. On avait une grande curiosité pour ces films, mais on ne les avait pas vus. Pour la plupart des Tchèques, son nom même était inconnu. Pour quelle raison venait-il à Prague ? C'était pour un projet ? Je ne sais pas s'il avait vraiment un projet. Il m'avait montré une invitation officielle. Comment ça, une invitation ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Incroyable, n'est-ce pas ? C'était comme ça à l'époque. Officiellement, on ne voyait pas d'un très bon œil cet impérialiste d'Hollywood arriver ici. Mais il avait pourtant reçu une lettre, dûment tamponnée, signée d'un cadre supérieur du Bureau de la Culture, écrite dans un anglais truffé de fautes d'ailleurs, une honte. Une lettre qui l'invitait pour un séjour à Prague. Et ce qui ne l'avait pas empêché de subir d'impitoyables tracasseries administratives, dont les autorités de mon pays étaient devenues les spécialistes. Une invitation pour un séjour à Prague. Et Welles serait venu comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il aurait eu une raison politique, par exemple ? Il n'est pas impossible que le comité ait envisagé d'utiliser des personnalités comme Orson Welles. Mais lui, pourquoi diable a-t-il répondu à cette improbable invitation ? Lui, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il pensait pouvoir rencontrer des cinéastes. Je ne sais pas s'il en avait eu connaissance, mais c'était le début de jeunes cinémas autour de l'école de Prague. Vous savez, où Milan Kundera avait été professeur. Mais je crois qu'ils n'ont même pas été au courant de sa présence. Les fonctionnaires l'ont promené de bureau en bureau, lui donnant les rendez-vous, puis les reportant au dernier moment. Ensuite, il fallait toujours remplir un formulaire supplémentaire. Le dernier, bien sûr, mais malheureusement, tel bureau était fermé pour quelques jours, etc. En attendant, il était censé de ne pas bouger de sa chambre de Métropole. Ça le rendait fou. Et puis, tout d'un coup, le bureau a fait un geste. Et ce geste était Magda. Magda. Le jour où M. Welles m'avait traîné d'autorité dans le grand hall du Bureau de la Culture, avec l'intention de faire un scandale, elle était là, au détour d'un couloir, toute mignonne, toute souriante, et se proposant pour le conduire dans la ville. Signe tout de même que l'administration acceptait la présence du cinéaste. En tout cas, Magda, c'était un espoir pour lui. Je crois qu'il n'était pas insensible à son charme. Ils se sont beaucoup vus par la suite. La petite Magda prenant familièrement le bras du géant américain pour l'emmener dans les ruelles de la ville. Lui, me congédiant d'un mot pour la journée et moi les regardant partir, bras dessus, bras dessous, pour on ne sait quelle destination dans les profondeurs de Prague. Vous avez gardé contact avec elle ? Vous vous rappelez de son nom ? Magda Davidlova. On se croise parfois à l'Institut français. Tout cela s'était passé un peu trop vite. J'étais venu à Prague avec l'idée de trouver quelques traces d'un voyage d'Orson Welles en 60. Sans trop d'espoir. Mais, naïveté, voilà que je finissais par croire aux signes présents partout dans cette ville et à leur faveur. Je rapportais des témoignages. Avec un peu de chance, j'espérais pouvoir remonter la piste, découvrir la raison de cet improbable voyage à l'Est. J'étais étudiante en art. Le bureau de la culture faisait appel à nous pour accompagner des personnalités étrangères. En général, c'était des Russes ou des Allemands, ça ne m'intéressait pas. Moi, je prenais les Français. Il y en avait de temps en temps. J'avais dit que je parlais anglais, je baragouinais trois mots. J'étais prête à tout. Seulement des Américains, il n'y en avait pas. Magda Davidlova, coquette petite dame d'un certain âge, m'attendait dans la bibliothèque de l'Institut français de Prague, heureuse de parler français et peut-être davantage encore de ses souvenirs de Wells. Je ne savais pas qui c'était. Tout ce que je voulais, c'était partir. Je voulais trouver un contact. Alors, vous imaginez un Américain? Et vous êtes parti? Je suis parti plus tard, en 68, et pas grâce à Orson. Il m'a laissé un plan. Je terminais mes études à Paris. Je me suis marié. Ce qui explique votre français parfait. J'ai deux enfants français. Mais je suis revenu vivre ici après mon divorce et la chute du mur. Vous vous souvenez bien d'Orson Welles? Je m'en souviens très bien. J'étais tellement mauvaise en anglais. Je ne comprenais pas grand-chose. Il me faisait des dessins sur ses papiers. J'étais à Prague. J'imaginais Orson Welles marchant dans ses rues. Quelqu'un qui l'aurait suivi aurait peut-être eu l'illusion d'apercevoir Harry Lime, tout droit sorti du troisième homme, le col de son manteau relevé, se réfugiant dans l'enconnure d'une porte, au son de la ritournelle d'Anton Karas. Magda, vous m'avez donné rendez-vous dans ce jardin des Franciscains, derrière Notre-Dame-des-Neiges. C'est un endroit très calme. C'est peut-être le seul coin de Prague où l'atmosphère restait la même qu'en cette époque. On s'asseyait un moment, les gens étaient discrets, on parlait bas et on se comportait pas de façon voyante. On évitait d'attirer l'attention. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec Orson Welles par la suite? Rien du tout. Il a disparu du jour au lendemain. Plus de nouvelles. Il s'est passé quelque chose? Il s'était rien passé du tout, c'était lui. Mais le bureau? Il était au bout du rouleau, au bureau. On a fait comme si de rien n'était. Et le sale petit travail de surveillance a continué. Est-ce qu'il avait été invité pour donner une conférence à l'école de cinéma? Peut-être. Oui, certainement. Mais cette conférence, il ne l'a jamais donnée? C'est lui qui supervisait le dossier administratif d'Orson. C'était Vatsulig, le chef du service. C'était un messie spécial. Il arrivait tous les matins, à la même minute, avec cette serviette d'employé de l'État. Je la revois, bien cirée, bien plate le matin. Et puis le soir, je voyais défiler ces centaines de serviettes bourrées à craquer. Je m'imaginais plier là-dedans moi aussi. Sortir des bureaux, sortir de l'État, prendre part à la grande fuite générale. Magda, Orson Welles avait reçu une lettre de Vatsulik. Est-ce que c'est vous qui l'avez traduite, cette lettre? La première chose qu'il faisait Vatsulik quand il arrivait dans son bureau, c'était passer 30 minutes de silence devant les plans de canalisation de Prague qu'il avait affichés sur son mur. Est-ce qu'il soutenait Welles? Est-ce que c'était pour ça qu'il vous avait engagé? Pour l'aider? Mais pour quel projet? Moi, je devais lui montrer Prague. Est-ce qu'il faisait des repérages avec vous? Il avait l'intention de tourner dans Prague? Sûrement. Il prenait des photos? Des photos, non. Il dessinait, il avait des papiers, des notes, il dessinait par-dessus. Quelquefois, je ne comprenais pas mieux les dessins que les mots anglais. Il me laissait toujours la feuille, ou plutôt, il l'oubliait. Je réalisais que ces feuilles, c'était les pages de son dossier administratif. Il gribouillait sur le formulaire qu'il aurait dû rapporter au bureau. Il débloquait complètement. Je sentais que je m'y prenais mal avec mes témoins. Je n'arrivais pas à comprendre ce problème administratif. Wells avait-il besoin d'une autorisation? Attendait-il des contacts? Des consignes? Le Wells que j'avais rêvé, celui que j'avais aperçu un soir de 1982, ne correspondait pas au portrait qu'en faisaient Yann et Magda. C'est vrai que, devenu la bête noire des studios et des producteurs, il cherchait d'autres lieux de création, mais, jeune cinéma ou pas, je le voyais tout de même mal s'implanter à Prague. Aujourd'hui, Yann, nous nous retrouvons au bar de l'actuelle librairie anglaise de Prague. Elle n'existait pas à l'époque, bien sûr. La ville du passé se superpose à celle que nous avons sous les yeux. Et quelquefois, elle est bien plus plaisante. Avec Magda, vous avez baladé Wells dans Prague. Qu'est-ce que vous cherchiez? Vous étiez chargé de quoi, au juste? Nous ne l'avons pas baladé, comme vous dites. Nous étions chargés de lui faire connaître Prague. Magda l'a accaparé très vite. Elle s'était mis dans la tête qu'il fallait lui faire visiter la moindre trace de l'existence de Kafka. Au bout de quelques jours, il était complètement perdu. Il a commencé à s'absenter. J'ai du mal à vous croire. J'ai croisé le regard de Wells une fois. Je l'imagine mal avoir des absences. C'est pourtant ce qui lui arrivait de plus en plus. Il le disait. Et il avait l'impression que les choses lui échappaient. Il se retrouvait quelque part. Il ne savait pas comment il y est arrivé. Et il fallait qu'il prenne un taxi pour revenir à l'hôtel. Et il ne se rappelait plus de ce qu'il faisait. Il griffonnait sur ses papiers qu'il sortait de ses poches. Il parlait seul. Par moments, il avait une expression. Son visage même changeait. C'était impressionnant. Oui, il n'écoutait qu'à moitié. Et puis, d'un seul coup, il n'était plus là. On l'apercevait au coin de la rue, déjà loin, marchant vite, comme s'il savait exactement où il allait, comme si quelque chose le guidait dans les vieilles rues de cette ville où il n'avait encore jamais mis les pieds. Vous l'avez suivi, j'imagine. On a essayé à chaque fois. Mais chaque fois, Prague l'escamotait, il disparaissait. Vous êtes en train de me dire qu'un Américain du poids de Wells, qui ne connaissait pas la ville, qui ne parlait pas un mot de tchèque, vous filait entre les doigts, vous, jeune Pragois svelte, chargé tout spécialement par le bureau de surveiller les étrangers? Vous n'avez pas cherché à savoir où il allait? Il n'y a pas un seul espion de votre Stasi ou je ne sais pas quoi de l'époque qui l'ait suivi? Mon cher monsieur Mougin, la Stasi, comme vous dites, c'était en Allemagne de l'Est. Chez nous, ça s'appelait la STB. Magda vous dira sans doute que Prague avait envoûté monsieur Wells, qu'il avait attrapé cette mélancolie qui traîne dans les rues. Et c'est possible, après tout. Mais moi, je pense qu'il faisait toutes les pharmacies de la ville pour trouver les anxiolytiques ou quelque chose comme ça, parce qu'il avait de plus en plus l'air de flotter, hagard, comme s'il n'était pas lui-même. Et j'aurais bien voulu savoir ce qu'il avait noté sur ses feuilles de papier. Curieuse comme elle était, Magda a bien dû trouver le moyen d'y jeter un coup d'œil. Ça vaudrait la peine de lui demander. Orson Welles, des absences? Je n'y croyais pas. Welles avait joué un rôle comme il en avait le secret. J'étais sûr qu'il avait manipulé ses petits étudiants tchèques pour se débarrasser de la compagnie qu'il lui imposait. Ce qui me semblait bizarre, c'était que les étudiants se soient laissés faire. Je n'arrivais pas à saisir qui utilisait qui dans cette histoire, et je ne devinais toujours pas pourquoi. Mes interlocuteurs parlaient beaucoup, mais ils ne m'expliquaient pas grand-chose et mes révélations se réduisaient à des élucubrations embrouillées. Magda, nous sommes ici chez vous. Vous avez déposé sur la table un formulaire administratif. C'était resté dans l'appartement de ma mère. Ce sont les quelques feuilles qu'Orson Welles vous avait laissées. Par endroits, l'écriture est cachée sous un dessin au stylo. Je les ai retrouvées quand j'ai tout vidé. Par exemple, sur le premier feuillet, le dessin représente un bonhomme en pardessus noir, peut-être un autoportrait, le dos courbé, une grande langue pendante. J'ai dit tout vidé. C'était petit pourtant chez ma mère, mais j'ai rempli des valises et des valises. Sous le dessin, le terme « exhausted » que Welles cherchait probablement à vous faire comprendre. Tout est parti à la décharge. Le dessin porte la signature Orson, suivie d'une phrase en français. Vous voulez nous la lire ? Pour Magda, un jour rendez-vous in Paris, espérément. Welles était dans une période où rien ne semblait aboutir. Il était en proie aux pires difficultés, aux doutes. J'ai gardé ça. Il avait exprimé sa lassitude dans ses entretiens avec André Bazin. Il disait qu'il envisageait d'abandonner le cinéma, de se tourner vers la peinture, mais aussi, et c'est peut-être ce qui explique ses notes rédigées au passé, vers l'écriture. Je ne savais pas trop quoi en faire. Je ne pouvais tout de même pas le jeter. J'avais supplié Magda de me confier le mince paquet de feuilles. Mais elle avait tout de suite proposé de me les faire traduire par une de ses connaissances à l'Institut français. Et c'est là-bas que je récupérais, sous la forme élégante d'une petite plaquette agrafée, ces étranges fragments dont j'ai demandé à Slimane Yevsa de nous donner une lecture. J'étais dehors trop tôt. Immobile. Seul, éveillé dans la foule des somnambules qui glissaient. J'entendais une vibration sourde, obsédante. Un bourdonnement gonflait dans mes tympans et menaçait de me faire perdre la raison. Mon pardessus, au premier plan, détaché de la foule grise, épais, sombre, agité comme un pantin, filant lentement dans le courant rapide. Je me sentais trouble, enveloppé par cette vibration. Elle provenait du château au-dessus de la ville. Je reconnus le bourdon de la cathédrale. Je sursautai. Le pardessus sursauta du même tressaillement. Hésita, sur le point de se retourner vers moi peut-être, sur le point de me montrer un visage que je ne vis jamais. Tout ce qui aurait dû être figé en lignes et en formes devenait brumeux. Le pardessus fondit dans la couleur indécise de Prague. Les gens passaient sur les ponts sombres. Les corps gris se penchaient sur les parapets de pierre. Je ne me tenais plus à l'idée de rapporter ces pages d'un journal d'Orson Welles. Et quel journal ? On aurait dit le début d'un conte fantastique à la Maupassant du niveau de lui ou du Horla. 3, 2, 1, 0... C'est ici... Karel Ludek, dans ce qui est aujourd'hui devenu un immeuble d'entreprise, mais qui était autrefois le bureau de la culture, que vous avez débuté une carrière qui vous conduira jusqu'à un poste à l'ambassade de la Tchécoslovaquie à Paris. Au moment où Orson Welles était venu à Prague, quel âge aviez-vous ? 16 ans. J'étais commis, je passais dans tous les bureaux. On a sympathisé avec Magda, la moindre occasion de s'amuser. Nous étions des enfants. Nous nous sommes retrouvés beaucoup plus tard à Paris. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette histoire de dossier administratif. Quel était le problème? Son visa? Une autorisation? Wells avait pourtant été invité par le directeur du service, Vatsulik. Vatsulik était un drôle de type, cultivé mais distrait. Il n'avait aucune autorité. Je ne sais pas s'il s'en rendait compte. Il préférait s'occuper de ce cobaye, il en avait trop. Et il passait son temps penché sur le roi. Les lubies de Vatsulik le rendaient suspect. Vatsulik observait ses cochons d'Inde et son adjoint Pavel, lui, il observait Vatsulik et tous les employés. C'était la période de coexistence pacifique. La ligne, c'était la lutte menée par des moyens pacifiques contre les forces de l'impérialisme. Vatsulik était accroché à la politique d'ouverture culturelle, tandis que Pavel... Tout le monde avait appris à marcher en crabe. Tu regardais d'un côté et tu t'en allais de l'autre. Ce Vatsulik avec ses cochons d'Inde, Courteline au pays de Kundera, c'était trop beau pour être vrai. Les Tchèques avaient invité Wells, mais ils ne savaient pas quoi faire de lui, et à présent qu'ils l'avaient sur les bras, ils avaient peur qu'il bouge. Le cinéaste n'était pourtant pas homme à se laisser balloter sans réagir. Yann avait peut-être raison, il n'était peut-être pas dans son état normal. Sur l'une des pages du journal de Wells, j'ai remarqué une adresse griffonnée. 22 Zlata Ulica. Zlata Ulička. Ulička. Ruelle d'Or. Ça, c'est l'une des adresses de Kafka à Prague. C'était la maison de la sœur de Kafka. J'y avais amené Orson. Il y avait à ce moment-là une librairie. Ah oui, je sais que c'est une librairie qui a beaucoup compté. Elle était tenue par le vieux Lazar Kain. Je ne l'ai pas connu, moi, malheureusement. Il paraît qu'il n'avait pas grand-chose sur ses rayons pendant ces années-là, mais qu'on fréquentait l'endroit pour sa conversation. Les livres les plus intéressants étaient rangés dans sa mémoire. On dit qu'il pouvait en parler indéfiniment. Je savais par des amis que le vendeur qui travaillait là s'est débrouillé pour avoir des enregistrements des émissions de la BBC. Ah! Voilà pourquoi on trouve cette inscription soulignée au-dessus de ces notes. Dialogue with a tape. Dialogue avec une bande magnétique. Ça doit faire référence à cette visite. Le type connaissait toutes ces émissions. Les émissions de la BBC, avec le théâtre Mercury. Cette fameuse adaptation de la guerre des mondes qui avait provoqué une telle panique. Je me souviens qu'un libraire avait failli s'évanouir en voyant entrer Orson dans le magasin. Sont répercutés par les murs noircis. Une cour sordide. Des escaliers. Une gamine de 14 ans montrant ses cuisses ouvertes. Au rez-de-chaussée, la face difforme du brocanteur étalée contre la vitre de sa boutique entre bouddhas miniatures, mains de porcelaine et boules de verre couvertes de poussière. Son œil de juge fixé sur moi. Tout bas, tout proche, m'enveloppait le chuchotement d'une conversation fiévreuse. Un homme au timbre familier, étrangement familier. Une femme en pleurs. Les deux voix se répondaient, mais elles ne provenaient pas du même espace. Je tentais de monter l'escalier, la gamine collée à moi, en tortillant sa jambe autour de la mienne, cherchant à introduire ma main dans son corsage, les lèvres sur ma bouche. Je surpris son regard vers la vitrine du brocanteur. Là-haut, cette voix d'homme au timbre si familier. Je criai « Ça n'est pas moi !» Et je réalisais que c'était bien moi, que c'était ma propre voix, qu'une version métallique de ma voix se diffusait dans les étages, régulière, mécanique, radiophonique. Elle se répercutait entre les murs de la cour. Un battant claqua avec la détonation d'un coup de feu. Silence. Quelqu'un lança un appel. La fille défit son étreinte, se détacha de moi, descendit en boudant vers la boutique du brocanteur. Quand je me retournai, l'œil globuleux derrière la vitre était toujours fixé sur moi. Est-ce que Wells projetait de faire une nouvelle pièce radiophonique ? Est-ce qu'il était assez gonflé pour concevoir un canular sur la guerre froide qui aurait, à nouveau, terrifié le monde entier ? Où était-il suivi ? Surveillé ? Je ne voyais pas ce que diable pouvait bien raconter ces pages de journal. Vous voulez dire que la lettre adressée à Wells était un faux ? Oui, probablement. Non, je ne crois pas. C'était ça le problème administratif ? À cette époque, ça pouvait aller très très loin. Mais je croyais que c'était vous, Magda, qui aviez traduit cette lettre en anglais. Mettons que Vatsulik ait vraiment voulu inviter Wells. Il fallait être suicidaire pour l'écrire à l'époque. Il a cru qu'on avait cherché à le piéger. Qui ? Wells ? Oui, Wells. Non, Vatsulik. Et c'était faux ? Oui, probablement. Non, je ne crois pas. L'affaire est remontée très haut. Elle a eu des conséquences. Vatsulik était devenu hautement suspect. Ils ne l'ont plus lâché. Il demandait à Magda rapport sur rapport. Qui a envie de se souvenir de tout ça? Magda, Karel, nous nous dirigeons vers cette ruelle d'or dont parlent les notes de Wells. Vous allez voir, c'est un petit passage entre les fortifications du château avec de toutes petites maisons. Elle tient son nom d'un mythe. Au Moyen-Âge, des alchimistes auraient installé leurs ateliers sous la protection du château. En réalité, ça a toujours été un lieu plutôt malfamé. À présent, au contraire, on voit des boutiques de mode, des galeries. Je crois qu'elle était là. À la place des vêtements de sport ? La librairie de Lazare Caïn. Moi non plus, je ne l'ai pas connu, le vieux Lazare. Il passait son temps à l'araignée, une taverne un peu avec des filles. Son vendeur, c'était Séverine. Tu l'as connu, Séverine, toi aussi? Moi? Pas du tout. Il lui est arrivé une drôle d'histoire à ce Séverine. C'est pour ça qu'il cachait son vrai nom. Il avait failli se faire piéger par des faux passeurs. Oh! Je vois de quoi tu veux parler. J'ai toujours cru que c'était une légende. C'était pas une légende. Ils avaient monté un stratagème dans les années d'après-guerre. Il paraît qu'ils vous faisaient passer une fausse frontière avec des agents déguisés en militaires américains. Oui. Ils te promenaient toute la nuit dans une zone militaire environ de Prague. Ils te faisaient croire que tu étais arrivé à l'ouest. Et là... Il te demandait si tu voulais rendre service à des camarades qui avaient l'intention de partir. Et voilà comment tu donnais les noms de tes amis avant d'être envoyé en camp. Mais qui organisait ça ? Mais la STB, la police politique. Séverine avait du nez. Il disait qu'il avait senti les mauvais coups, qu'il avait lu des signes ou je ne sais quoi. Il ne s'était pas rendu au rendez-vous. Il avait réussi à disparaître dans Prague. Prague. Le vieux ghetto a été détruit en 1913, mais la ville a gardé quelque chose d'irrationnel et de labyrinthique. C'est une ville capable de vous faire disparaître à un tour de passe-passe. Ensuite, en 68, il a accompagné Miloš Forman à Paris pour un projet de film. À ce moment-là, il y avait eu les événements. Ils sont restés en France. Jamais connu de Séverine. Il ne s'appelait pas Séverine. À Paris, il avait repris son nom. Il s'appelait Paul Lépine. Ah là là, Paul Lépine. Il avait été libraire chez le fameux Lazare Caïn. C'était lui qui tenait la boutique. Ben, je ne savais pas qu'il connaissait Miloš. Justement, comme il connaissait Forman, il s'était reconverti dans le cinéma. Il était preneur de son. Mes témoins me promenaient dans le passé de la ville comme ils avaient promené Wells autrefois. Wells, dont le journal semblait en affinité avec Prague, avec ses ruelles, ses passages, et, à l'image de mon enquête, ses cul-de-sac. Dans le quartier de l'ancien ghetto. Crépuscule. Les imperméables qui peuplaient la ville traversaient Yosefov, instables comme des ombres dans le labyrinthe des ruelles à l'odeur infecte. Je marchais dans une ville muette, ébloui et attiré par la lueur d'un gros œil jaune qui me regardait fixement. J'étais parvenu au bout de la ruelle d'or, au mur de la dernière lanterne. Dans cet éclairage flou dispensé par le brouillard, m'apparut la maison que personne ne pouvait distinguer en plein jour. Je vis son pignon plongeant à pic dans la fosse aux cerfs qui entourait le château. Je repérai son unique fenêtre. Je suivis à tâtons les marches glissantes d'un escalier à flanc de rocher. Je grimpai inconsciemment. Les marches ne conduisaient qu'à une trappe que j'eus le réflexe de forcer, par terreur de revenir sur mes pas. Je réussis à me hisser à l'intérieur. C'était une pièce nue dans laquelle tombait l'éclairage de la lanterne. Je m'y sentis instantanément chez moi, profondément soulagé. Un vieux costume de théâtre traînait au sol. Je le soulevai, dans un nuage de mite. Je l'enfilai. Il me vint les larmes aux yeux. Le théâtre. Dites donc, Yann, vous avez dû bien vous amuser à l'époque à fabriquer cette lettre pour Orson Welles, la lettre de Vatsulik, en anglais derrière cuisine. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Vous vous rendez compte du risque pour une plaisanterie comme ça, à ce moment-là? D'où sortez-vous cette histoire? Magda? Elle y va un peu fort. Ah. Elle vous a amené sur les traces de Kafka, vous aussi? Nous avons visité la ruelle d'or. Vous savez qu'elle est persuadée que ces promenades sont à l'origine du procès. Je vais dire du film d'Orson Welles. Ah, ça n'est pas impossible. Il a été tourné l'année suivante. Je ne sais pas si c'est ce que Welles avait en tête en venant. Le film n'a pas été tourné à Prague. Ah, j'ignore ce qu'il avait en tête en arrivant ici, mais je crois qu'il a trouvé quelque chose. Quoi donc? Prague. L'esprit de Prague. Vous n'avez peut-être pas tort. Les pages de son journal ont l'air de témoigner d'une connaissance intime de la ville. C'est très surprenant. Je vous entends parler des notes de M. Welles. Cette connaissance de la ville... Ce n'est peut-être pas sans rapport avec la librairie de la Ruelle d'Or. Oui, le vendeur était un passionné de tout ce qui concernait Prague et sa mythologie littéraire. Ils avaient dû en parler avec Welles. Vous connaissiez ce fameux Séverine, vous aussi? Séverine? Oui, c'était lui qui nous procurait les émissions de la BBC. Vous saviez que c'était un ami de Miloš Forman? Mais oui. Miloš était encore à Prague en ce moment-là. À ce moment-là, je crois qu'il faisait encore partie de la Laterna Magica. Laterna Magica. Vous ne connaissez pas la Laterna Magica? C'était la compagnie de théâtre. Non, tout d'abord, c'était le spectacle très novateur créé par le grand scénographe Joseph Svoboda et le réalisateur grand Alfred Radok pour représenter la Tchécoslovaquie à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. C'était un mélange de théâtre, de danse, de cinéma projeté sur plusieurs écrans. Les acteurs donnaient l'impression d'entrer et de sortir des films. Le spectacle avait produit une forte impression. Et je crois que M. Wels en avait entendu parler. Ah, oui, possible. Il était à Paris à ce moment-là. Et ça devait l'intéresser, ça, ce jeu d'illusion. Ensuite, c'est devenu le nom de la compagnie, Laterna Magica. Wells était à la recherche de nouvelles expériences. Est-ce qu'il aurait eu l'idée de monter quelque chose avec eux? Vous savez s'ils se sont rencontrés? Attendez, ce n'était pas si simple. Après Bruxelles, la compagnie avait été prise en résidence au Théâtre National. Oui, mais au moment où M. Wells est arrivé, il venait d'y avoir de grands changements. Svoboda était devenu un officiel, c'est-à-dire, vous voyez, il avait été nommé directeur artistique du Théâtre National. Tandis que Laterna Magica s'en séparait et que Radok se faisait écarter de circuit, malgré la bienveillance du chef de bureau de la culture. Vatsulik, encore. Vous savez, sous ses airs de zozo un peu dans la lune, il valait beaucoup mieux que ça. C'était un personnage, Vatsulik. Nous n'en avons jamais eu la preuve formelle, bien entendu. Mais il avait très probablement réussi à protéger et à exfiltrer quelques artistes. Et il connaissait le réseau par cœur. Il croyait vraiment que la venue de quelqu'un comme Wels en Tchécoslovaquie ne pouvait qu'être bénéfique. Il soutenait Radok en douce. C'était par des gens comme lui que le pays cherchait à s'ouvrir. Donc, Miloš Forman faisait partie de cette compagnie et Séverin, le libraire, connaissait bien tous ces artistes. Radok fréquentait la librairie, oui. Et ils ont évidemment dû parler d'Orson Welles avec Séverin. Ils l'admiraient beaucoup tous les deux. Ce réalisateur, Radok, il a dû vouloir rencontrer Wells. C'est bien probable. Et il était soutenu par Vatsulik. Oui, mais pas de façon officielle, bien entendu. Et avec Séverin, qui parlait l'anglais de la BBC, Wells n'avait même pas besoin d'un traducteur. Peut-être que c'est là qu'il venait quand il vous faisait compagnie, dans cette librairie, pour rencontrer Radok. Je me demande si ce Séverin n'a pas joué un rôle. Séverin, tel que je le connais, par exemple, je suis sûr qu'il a montré à M. Wels les illustrations d'Alfred Kubin pour Le Golem. Vous connaissez? Je connais le film expressionniste des années 20, avec ce personnage d'argile créé par un rabbin. Mais c'est d'abord un roman de Gustav Mehring. Je sais que Séverin possédait la première édition de 1915. L'année de naissance de Wells. Vous voyez, vous commencez à attraper l'esprit de Prague. Vous remarquez les coïncidences. Dans le roman, cette légende du golem est à peine évoquée. C'est un peu l'esprit populaire du ghetto, si vous voulez. C'est une espèce d'hallucination collective. On suit plutôt la dérive d'un personnage qui se retrouve à la suite d'un échange de chapeaux. Voyez-vous où le hasard mène à Prague, qui se retrouve dans la vie d'un autre dans un temps du passé, une existence dédoublée. On a le sentiment que tout est faux, que tout est vécu en songe. C'est un récit assez déroutant. D'ailleurs, je me souviens, Severine en parlait. Il disait que Radok imaginait un spectacle dans le style de ses fantasmagories. Il ne l'a jamais fait ? Oh, ça n'était pas possible à l'époque. Trop fantasmagorique, justement. Trop nostalgique, trop occulte aussi pour passer. Mais il y pensait, paraît-il. Il y pensait. Il y pensait même tellement que Séverine m'avait raconté comment il se mettait à imaginer certaines scènes quand il y avait des amis de confiance dans la librairie. Ou avec Wells, peut-être, qui ne pouvait qu'être attiré par cette histoire de double et de doute. Dites, ces étranges notes de Wells, ce journal qui ne ressemble pas du tout à un journal, ça pourrait bien correspondre à ce que vous racontez de ce roman. Il y a cette idée de dédoublement, cette atmosphère comateuse. À tous les coups, nous avons dans les mains les premières notes du scénario du Golem. Ah, c'est un rêve. Mais quel film ça aurait pu faire ? Le Golem par Orson Welles. Il aurait joué le personnage de Pernat, errant dans les rues pouilleuses du vieux quartier délabré, dont Kafka ne parvenait pas à détacher ses souvenirs. L'air irrespirable d'une ignoble gargote peuplée de spectres. Les visages creux comme des masques dans le halo des lampions. De temps en temps, un fantôme ambigu traversait la fumée. Lèvres rouges, cuisses nues, chantant, pour quelques sous, une rengaine infantile que toute la taverne reprenait. Une table à l'écart, près du piano. Un ivrogne couché dessus, en robe d'avocat. La tête sur les piles de formulaires qui portaient la flamme de l'administration. Au moment où j'approchais, il se dressa, et le piano interrompit son crin-crin mécanique. L'homme tenait à peine debout. Il réussit à se jucher sur un banc et entreprit d'adresser à l'assistance une plaidoirie qui suspendit progressivement à ses lèvres toutes les ombres du lieu. Je voulus reculer, mais quelqu'un que je ne vis pas me souffla d'un ton de reproche. « Écoutez, il s'agit de votre affaire !» Pendant que des mains tâchaient de refermer mon col, comme s'il fallait me rendre plus présentable. Je compris qu'il ne restait que cet avocat déchu pour me sauver d'une accusation dont je ne parvenais pas à me faire une idée. J'avais compris que mon enquête ne pourrait pas aller plus loin. Orson Welles était bien venu à Prague et j'avais fini par découvrir ce qu'il préparait avec les artistes tchèques. Mais cette dernière note, j'avais pourtant bien l'impression qu'elle décrivait une scène du procès de Kafka. Le golem ou le procès ? Pourquoi le golem était-il resté à l'état de projet ? Pourquoi Welles avait-il laissé tomber si rapidement ? Voilà. C'est notre dernière prise. Merci, Karel, de m'avoir conduit jusqu'à l'aéroport. Je voulais revenir avec vous sur un point. Si Vatsoulik était devenu suspect, ce n'était pas pour cette obscure affaire de lettres. C'était plutôt parce qu'il s'était engagé dans un projet artistique indéfendable, et qui d'ailleurs n'a jamais pu se faire. Et vous savez, c'était comme ça à ce moment-là. Les beaux projets se transmettaient de bouche à oreille sans sortir de l'état de rêve. On discutait à voix basse dans les arrière-boutiques, à l'abri d'une épaisse tenture. Le moindre courant d'air qui la faisait bouger soufflait la discussion comme une chandelle. Même en tant que chef du bureau de la culture. Surtout en tant que chef du bureau de la culture. Vous savez, nous l'avons su après coup, les cadres du parti ont accusé Vatsulik d'être un agent de l'impérialisme, un traître sioniste. C'était un classique de l'époque. Et j'imagine que cette affaire avec Wells, montée en épingle par son agent Pavel, a dû leur servir d'argument, même si rien n'a été plus loin que quelques propos échangés dans la librairie de la Ruelle d'Or. Ils ont rétrogradé Vatsulik, il a reçu un blâme du parti, ce qui valait condamnation à l'infamie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. On n'a plus entendu parler de lui. Ce qui peut expliquer le départ précipité de Wells. Il a dû l'apprendre par la librairie et comprendre que ça ne sentait pas bon du tout. Comme vous dites. Mais nous avons tout de même les feuillets noircis par Wells pour ce projet. Oui, c'est vrai. Mais vous ne croyez pas que c'est un peu étonnant la rapidité avec laquelle cet Américain a pu saisir l'atmosphère du vieux Prague? Ah mais ça, c'est le talent incroyable d'Orson Welles. De pouvoir très facilement se glisser aussi bien dans un rôle que dans les rues d'une ville et d'en capter immédiatement l'essentiel. Vous savez, Karel, je l'ai connu un peu autrefois à Paris. Et tout ce que vous me racontez sur lui à Prague ne me surprend pas. Dans ce cas, c'était un sacré bonhomme. Mais franchement, vous avez vraiment l'intention de diffuser ces fables à la radio? Évidemment. Vous vous rendez compte? Personne n'avait jamais entendu parler de ce voyage de Wells à Prague. Justement. Et encore moins de ce projet sur le golem. Surprenant, non? Que les biographies, les innombrables articles n'en aient jamais fait mention. Oh, pas tellement surprenant. C'est parce que j'ai eu la chance de l'approcher que je l'ai su. Parce que j'ai entendu de sa propre bouche. Si vous le dites. De retour en France, j'étais comme un fou. Je rapportais un chaînon manquant à la longue succession des films avortés d'Orson Welles, un projet dont personne n'avait encore eu connaissance. J'allais faire connaître l'existence de ce golem, dont les amateurs pourraient désormais rêver une version signée par le réalisateur de La Dame de Shanghai et décoder les traces évidentes dans le procès. Je m'étais précipité sur la version française du roman de Meyrink et bingo! On reconnaissait son atmosphère trouble dans les notes de Wells, et ses personnages, le brocanteur odieux, sa fille Rosine montrant ses cuisses dans l'escalier, l'avocat ivrogne qui plaide à la table d'une taverne où défilent les têtes patibulaires des membres de sa compagnie secrète, et la pièce sans issue, où est restée la tenue médiévale du golem d'argile, en attendant que le personnage égaré s'en couvre et, inconscient de son apparence, traverse les rues du ghetto. Mais plus le temps m'éloignait de Prague, plus cette pépite se ternissait entre mes doigts, plus elle se dérobait, elle aussi, dans les brumes pragoises. Un message électronique m'avait mis la puce à l'oreille, un message qui m'était personnellement destiné. Une certaine association, Métropole Magica, basée à l'Institut français de Prague, m'envoyait l'image démultipliée d'Orson Welles poursuivant Rita Hayworth dans la fameuse scène des miroirs, à la fin de La Dame de Shanghai. Pourquoi? Comment ce message était-il arrivé jusqu'à ma boîte? Le site de l'association m'apprit qu'elle regroupait des artistes, des comédiens tchèques et français, pour un échange de répertoire, et qu'ils avaient donné une adaptation du Golem de Meyrink. Coïncidence? Signe? Ou bien signature? Les réserves de Karel commençaient à prendre un sens que sur le moment je n'avais pas perçu. À présent, mon enquête m'apparaissait fragile. Yann, Magda, Karel, je croyais les avoir trouvés sur un coup de chance, mais c'était eux qui m'avaient trouvé, par mon annonce à l'Institut de France. Ils connaissaient très bien l'histoire du théâtre pragois. Étaient-ils comédiens? Est-ce que, comme un imbécile, je m'étais jeté sur une fable qu'ils avaient inventée, trop content de croire ce que j'avais moi-même induit. Ils avaient suggéré, évoqué, ils n'avaient rien dit de probant. J'ai cherché dans les archives de l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris. Aucun Karel Ludek ne figure dans les listes. J'ai cherché Paul Lépine et j'ai trouvé, oui, un auteur proche de Gustav Meyrink, avec qui il avait fondé un groupe littéraire. Il publie, à peu près en même temps que le golem, « Marche dans les ténèbres », le roman des fantômes de Prague, dont le personnage s'appelle Séverine. Signe ou coïncidence? Vatsulik est aussi le nom d'un écrivain, maître de la logique absurde, qui a participé au Printemps de Prague, auteur de romans dont le plus connu s'intitule « Les cobayes ». Les feuillets, je les avais à peine vus. Étaient-ils seulement de la main de Wells, ces feuillets? J'ai cherché d'autres traces de son séjour à Prague. Je n'ai rien trouvé. J'ai cherché, enfin, à l'origine du procès, une évocation du golem. Ça ne colle pas. Wells, paraît-il, ne voulait pas faire le procès. Il s'était laissé convaincre par une proposition des producteurs Michel et Alexandra Saltkind. Toujours est-il que le film n'a pas été tourné à Prague et que c'est sur ce tournage, à Zagreb, qu'il allait rencontrer sa dernière compagne, Oja Kodar, avec qui il tournerait son dernier film, F for Fake, en français, Vérité et mensonge. C'était Orson Welles dans la ruelle d'or, une émission de Jean-Paul Mougin. Texte, scénario et dialogue de Nicole Caligaris et Jean-Yves Bochet. Bruitage, Bertrand Amiel. Avec les voix de Jean-Paul Mougin, François Kergourlet, Yann Devous, Dimitri Rafalski, Magda Davidlova, Yana Bitnerova, Karel Loudek, Mikhaël Pospisil et Slimane Yevsa. Conseillère littéraire, Caroline Ouazana. Assistance technique et montage, Nicolas Depagraf. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistante à la réalisation, Litorkia. Réalisation, Étienne Vallès.